Je suis ronde, je suis belle, je suis bleue, je respire, je brille. Dans la nuit, je rayonne, dans le jour, j'illumine. De bonheur, je suis pleine de vie. Que la vie est belle sur ma planète. Que la vie est belle sur ma planète. Mais je commence à manquer d'air. Je ne sais plus dans quel sens tourner. Les hommes sont devenus fous. Les hommes sont devenus fous. Que la vie est belle sur ma planète. Que la vie est belle sur ma planète. Je suis devenue grise, terne et triste de cendre et de poussière, habitée par la misère. Mais que les hommes ont tiré de moi. Mais que les hommes ont tiré de moi. Une terre sans vie et sans espoir. Que la vie est belle sur ma planète. Que la vie est belle sur ma planète. Que la vie est belle sur ma planète. Que la vie est belle sur ma planète.